Ce soir, on écoute l'album Hamlet pratiquement dans son intégralité, mais par contre, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Hamlet, du moins l'histoire de cet album-là. On va déjà parler de la genèse. La genèse, été 1968, Johnny est en tournée en Afrique du Sud et tombe amoureux de l'œuvre de Shakespeare et demande aussitôt à Gilles Thibault, l'auteur de son dernier succès, Que je t'aime, et de l'imminent Requiem pour un fou, de lui faire une chanson sur Hamlet. Gilles Thibault se souvient du point de départ de l'affaire. J'étais en vacances en Espagne avec mes beaux-parents et je reçois un télégramme de Johnny qui disait « Fais-moi un 45 tours sur la vie de Hamlet ». Alors j'ai acheté le livre et je me suis dit qu'il était impossible d'écrire un 45 tours dessus. À mon retour, j'avais 12 chansons prêtes que j'ai montrées à Johnny. Il a démarré au quart de tour, à l'instinct comme d'habitude, et donc le concept album était lancé. Mais on ne sait pas ce qui a motivé le chanteur, peut-être l'adaptation de Jack Good de Othello en rock sous le titre Catch My Soul avec Jerry Lee Lewis habillé en Iago. Mais sinon, dites-moi, l'année 1976 est aussi incarnée par l'album Derrière l'amour et la fameuse rentrée parisienne de John Hallyday qu'il avait donnée en septembre, un récital pendant un mois. Et on va faire quelques petites pauses musicales live avec ces fameux lives de 1976. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. La tournée, le Palais des Sports a commencé le 28 septembre pour se terminer le 30 octobre. Et il y avait aussi ce fameux medley Retiens la nuit, l'idole des jeunes. Bonsoir. Tes tendres années. On écoute ça tout de suite sur le thème de Rigé. Vous écoutez comment Johnny de la Zéna. Bonsoir. Ouais, ouais, ouais. Vous savez, l'année dernière, quand j'avais décidé de quitter la scène et que j'avais décidé de partir assez loin, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi. Et la deuxième, c'est que vous commenciez très sérieusement à me manquer. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime, il y a plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Retiens la nuit pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi. Elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie.

1971, le projet est dans l'air. Il a été demandé au jeune compositeur Pierre Groscolla d'écrire la musique. Le journal Le Figaro annonce la nouvelle sous le titre « Monsieur 3000 watts reprend du service chez Shakespeare ». Article dans lequel Johnny précise « Je pense qu'en 1972, je serai enfin en mesure de monter au Palais des Sports une comédie musicale étroitement inspirée par Hamlet ». J'effacerai de ma mémoire tous mes souvenirs d'enfant. Depuis couper le cordon jusqu'à ma première dent. J'effacerai de ma mémoire mes souvenirs de jeunesse. Depuis mes derniers boutons jusqu'à ma première caresse. Jusqu'à la nuit qui vient. Et dans le livre de mon histoire, les pages deviendront blanches du début jusqu'au mot fin. J'effacerai de ma mémoire tous mes souvenirs d'amour. Depuis mon dernier je t'aime jusqu'à mon premier toujours. Depuis mon premier poème jusqu'à ma dernière guerre. J'effacerai de ma mémoire depuis mon premier jour jusqu'à la nuit qui vient. En 1972, on annonce des enregistrements. Jean-Claude Vanier est sollicité et un projet spectacle mis en scène par Robert Hossein est ébauché. La presse relaie le projet. Le journal Le Figaro annonce « Johnny veut jouer Hamlet en opéra rock ». Le magazine pop music « Johnny or not Johnny ». En studio à Londres, Johnny fait venir les concepteurs pour en discuter. La presse annonce l'enregistrement en mars 1973 à Londres. Voici la suite d'Hamlet. Je suis fou. Je suis fou comme une tomate. Je ne tiens pas sur mes pattes. Je marche et vais de travers. Je vois rouge et je suis vert. Pardonne-moi, fou du roi. Je suis fou comme une ficelle. Je me déroule, je m'en mêle. Je me détache, je m'accroche. Je m'use et je m'effiloche. Pardonne-moi, ô fou du roi, si je suis plus fou que toi. Je suis fou comme un navire et je vogue sur le délire. Plus d'étoiles, une nuit d'encre, je ne sais où jeter l'encre. Pardonne-moi, fou du roi, si je suis plus fou, encore plus fou que toi. Je suis fou comme un soleil, que ce soit à la bouteille, que ce soit par Ophélie, je couche avec la folie. Oh, pardonne-moi. Toi, oh pardonne-moi, si je suis plus fou, beaucoup plus fou, encore plus fou, toujours plus fou que toi. En 1973, le magazine Pop Music écrivait « John Hallyday, nous vous l'avions déjà annoncé, compte enregistrer Hamlet sur l'œuvre de William Shakespeare. C'est Pierre Groscolla qui en fera la musique. Quant à Johnny, qui veut comme toujours offrir au public quelque chose de parfait, il n'a rien négligé. Il a loué pour 10 semaines les studios olympiques à Londres. L'idée va traîner un bon moment avant que Jacques Revaux, producteur de l'idole, ne s'attelle à la tâche. » On reviendra à Hamlet dans quelques secondes. Juste après la pause live, on va retrouver John Hallyday, donc toujours au Palais des Sports. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et avec ce titre, Le Pénitencier. Johnny n'avait pas remis les pieds sur une scène parisienne, du moins pour une longue représentation, depuis 5 ans, depuis 1971. Et le voici à nouveau, tout frais, tout pimpant, tout gai, au Palais des Sports. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Donner pardonner. Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as-tu perdu, demain tu peux gagner. Homer, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. C'est la nuit, traînez dans les rues, et c'est bon, tout droit en prison. Je t'ai trop fait pleurer. Les larmes de honte que tu as versées, il faut les oublier. Comme d'autres gars l'ont fini. Johnny en live au Palais des Sports en 1976. Voici la suite d'Hamlet. Ophélie, oh folie. Sur RIG, vous écoutez Johnny de A à Z, de 22h jusqu'à minuit. Le soleil sans vergogne fait d'une peau vermeille une affecte charogne. Fuis devant le soleil. Devant le soleil pour rire et sa besogne, fuis devant le soleil, il te fera charogne. l'aventure d'Hamlet ce soir que je vous raconte dans l'émission Johnny de A à Z. Et dans cette aventure, dans l'aventure de l'album, on envisage dans un premier temps d'enregistrer à Milan avec des instrumentistes de la Scala. Mais les violonistes et les hautbois, en dépit de leur bonne volonté, ne parviennent pas à s'accorder, à swinguer et à jouer sur les rythmes violents de la section rythmique pop. L'aventure coûte la bagatelle de 400 000 francs à l'époque, et tout ça pour rien. Finalement, Jacques Revaux rassemble 150 musiciens et choristes de l'Orchestre Philharmonique de Paris dans les studios 92 de Roland Guillotel à Boulogne-Billancourt, le jour de la Toussaint 1975. Une grande partie du mois de novembre, puis les derniers jours de décembre, sont consacrés à mettre en boîte les premiers titres. Une fois les fêtes de fin d'année passées, le staff est de retour et se remet au travail dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 1976, puis en février et en mars. 28 titres sont gravés en comptant l'ouverture. L'équipe est incontestablement de très haut niveau. Exceptionnellement, elle est franco-française. Sont là, entre autres, le guitariste Jean-Pierre Rowling Azoulay, les bassistes Yannick Top et Christian Padovan, les batteurs Jean Schultes et André Sipton. Et au clavier, les deux directeurs d'orchestre, Roger Loubet et Gabriel Yared. À la réalisation, Jacques Revaux. De son côté, Gilles Paquet prend en charge la conception et la réalisation de la pochette et le livret est réalisé par le peintre Marina Clément. Coût total de l'album, 1 500 000 francs. Et Johnny reçoit à intervalles réguliers des nouvelles de son projet lyrique par le biais de démos qui vont dans le sens de ce qu'il espérait. Et bon fumier, elle devient vite moisson et elle nourrit la nation, les hommes, les veaux, les poissons. La charogne redevient roi. Le croquant le va nu-pied, le croqué claquant du bec. Qui fait des rêves de beefsteak et qui mange du pain sec, fait pourtant festin de roi. Partage avec sa féline une gazelle, sa voisine. Pas un des deux n'imagine que le roi bouffe du roi. Quand un gros roi dit j'ai faim, pas un cuisinier ne pouffe. Et le roi boit, le roi bouffe, mais la reine qui l'étouffe est aussi morceau de roi. dans mon lit. Je lis quand même les rêves me fuient. Je lis quand je recherche un coin d'oubli. Je lis trop encore quand ce sera possible, mais des pourparlers sont d'ores et déjà engagés avec Robert Hossein pour une prochaine adaptation scénique. Hossein laissera poindre du moins son amertume quand il sera décidé de ne pas transposer le projet sur la scène d'un théâtre. Il s'en expliquera plus tard dans les colonnes de la revue Télérama. Je me fous de savoir si le disque a marché ou pas. Ce disque avait trouvé remarquable, très intéressant. J'aurais été ravi de monter l'histoire sur scène. C'était ambitieux, il fallait faire un truc immense, une grosse production. On avait mis la barre très haute et d'un seul coup, on avait un chanteur populaire qui faisait dans le littéraire. C'était différent. Je regrette beaucoup que ce ne soit pas fait. Et peut-être que Johnny était trop jeune alors, qu'il manquait un peu d'épaisseur. Et si on devait le refaire aujourd'hui, ce serait un événement extraordinaire. Le soleil nous tourne autour, qu'une étoile morte puisse briller. Doute que la vérité ne soit vraie, mais ne doute pas de mon amour. Doute qu'un Dieu ait tout fait en sept jours, que la terre soit une poussière. Oh, doute de l'infini de l'univers, mais ne doute pas de mon amour. Plus chaud qu'un four, que la gravité est un centre. Oh, doute qu'un enfant vive dans un ventre, mais ne doute pas de mon amour. Yeah!

septembre 1976, Johnny est au Palais des Sports pour le show Johnny Story. Au dos des billets de concert, la sortie de l'album Hamlet est annoncée pour bientôt. Et en octobre 1976, le double album est présenté à la presse. Robert Mallat, du journal Point, est très élogieux. Début septembre, Philips offrait aux 600 participants de son congrès quelques bribes de cet Hamlet nouveau style. Unanimité avec un tel disque, Hallyday acquiert une autre dimension. Il y a le Hallyday d'avant Hamlet et puis l'autre, celui qui a osé prendre des risques, défier ses fans, imposer ses passions comme il avait fait de ses désenchantements. Voici la seconde partie de l'album Hamlet. Pour ceux qui ont le 33 tours, ceux qui connaissent le 33 tours, voici le titre To Be or Not To Be. Et vous êtes toujours sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Johnny de A à Z. La question soit réglée. vendait ses capitaux. Il choisit un péché quand il a un pied en enfer. Quand il monte une marche, qu'il jure le nom de Dieu. Quand il a un pied en enfer. Quand ses doigts sont crochus, qu'il recompte ses sous, quand il a un pied en enfer, quand il se fait plaisir en rêvant de Saint-Doux, quand il a un pied en enfer. Il tombe sur le vent quand il a un Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Allez, pause the live, on retrouve Johnny au Palais des Sports avec un titre de l'album Derrière l'amour. Joue pas de rock and roll pour moi. Avec une voix qui grince comme un 45 tout usé.

chagrin. Les crocodiles pleurent comme vous. Oh, laissez-moi tendre votre cou. Arrêtez de tordre vos mains. Je ne crois pas à vos chagrins. Les crocodiles pleurent comme vous. Oh, laissez-moi tordre votre cou. Le 7 novembre 1976, sortie du double album Hamlet. Dans une magnifique pochette richement illustrée, la critique de Jour de France est élogieuse. Il s'agit bien là d'une œuvre, le mot n'est pas trop grand, et Hamlet marquera d'une pierre nouvelle la carrière du grand Johnny Hallyday. Enregistré de novembre 1975 à mars 1976, Hamlet se voit brûler la politesse par un album Derrière l'amour, dont les enregistrements pourtant ne sont bouclés qu'en juin, mais qui sort avant lui. Il ne se lavera pas de cette impolitesse. Coincé entre le succès considérable de ce nouveau 33 tours et l'impact du spectacle Johnny Story au Palais des Sports, programmé de fin septembre à fin octobre, et conforté par la sortie du double album de la captation en public, Hamlet n'a tout simplement aucun espace pour respirer, motiver la presse, atteindre le public. Hamlet sort en novembre 1976. Le prix du double album est aussi sûrement un frein à son succès commercial. Les fans ont acheté les 45 tours de l'année 76, l'album Derrière l'amour, leur place pour le Palais des Sports, le double album Johnny Story. Les radios ne jouent pas franchement le jeu non plus. Le double album ne fait l'objet d'aucune déclinaison commerciale en 45 tours. Autant dire qu'on signe définitivement son arrêt de mort. Il est vrai qu'il était difficile de trouver une fenêtre de tir entre les singles Requiem pour un fou, Joue pas de rock'n'roll pour moi et Gabriel. Les amateurs aujourd'hui se consolent avec les 3 45 tours simples hors commerce qui sont de jolies pièces de collection. La mort d'Ophélie, Pour l'amour et To be or not to be qu'on entendra un peu en radio. On se dit avec le recul que si la sortie du disque avait été programmée sur une année plus calme, 1977 par exemple, le rêve shakespearien de Johnny Hallyday aurait connu un dénouement plus heureux. Voici tout de suite Le Cimetière. Les fossoyeurs jouent au bowling. Tête de turc, tête de king. Vous avez fait assez vieux os. Place aux jeunes qui sont nouveaux. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Quel chapeau te couvrait la tête? Une calotte, une casquette. Que vendais-tu à la sauvette? Du Jésus ou de la courbette? Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule. Crâne qui roule et tourne boule.

prend sa revanche. Pierre Groucola a bien voulu raconter l'histoire de sa participation à Hamlet. « C'était une grande partie de ma vie. J'aurais aimé que cela se monte sur scène. Le but, il était là. Réaliser quelque chose de grandiose. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas cartonné. J'ai donné 2 ans de ma vie avec plaisir. J'ai appris plein de choses. Je venais du rock and roll. Je ne connaissais pas le travail d'orchestration, c'est-à-dire la tessiture des saxos, des violoncelles, des contrebasses à archer. C'était fabuleux. 143 musiciens. On a pris 2 studios pour les faire jouer en même temps. C'était une expérience remarquable pour l'époque. Gilles Thibault est venu me proposer le livret avec un paquet de textes. Au départ, 3 albums étaient prévus. Il avait adapté Shakespeare en pensant à Johnny qui lui avait suggéré. J'ai tout composé sans avoir à rencontrer Johnny Hallyday et on a travaillé avec Gilles pendant 7 à 8 mois chez lui. On a pondu un maximum, puis j'ai fait un montage des chansons pour les présenter à Johnny. Il est arrivé avec Gilles, s'est assoupi dans un fauteuil et il a dit « On écoute ». Au départ, comme il était fatigué, il s'était assoupi. Je crois même qu'il s'était endormi. Et sur la fin, il était complètement réveillé et il a fait une chose extraordinaire. Il a mimé le personnage d'Hamlet et tout ce qu'il entendait. Il dit alors « C'est pas mal ». Il s'en va et on entend plus parler pendant 1 an. Voilà l'histoire. Je me suis dit « C'est foutu ». Et un beau jour, on m'a appelé pour me dire que ça se faisait. Johnny m'a invité chez lui, à la campagne. Il y avait 15 chambres et au moment d'en prendre une, Johnny me dit « Tu vas dormir dans ma chambre ». Il m'a donné sa chambre. C'était génial. C'est un type super et il représente pour moi l'interprète idéal. Et il est rock dans sa tête et dans sa vie. Pour moi, ça signifie que c'est vraiment un mec bien. Ça devait se jouer au Palais des Sports de Paris. J'étais très triste de savoir que ça ne se montait pas. Mais on s'était éclaté d'une manière fabuleuse à réaliser les disques. Quand j'écoute, je trouve que ça tient toujours la route, même si le son a un peu vieilli. Mais le concept, les enchaînements, c'est formidable. On revient à Hamlet juste après cette pause live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le carton du Palais des Sports et aussi de l'album Derrière l'amour. Voici Requiem pour un fou. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic au bateau, je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas le cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. D'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou. Sa bouche, ma vie, c'était son corps, son corps. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué pour qu'un grand amour vive toujours. Le jour se lève, la nuit pâlit, les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lali, la bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets, ôtez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche, ma vie, c'était son corps. L'album de la semaine est Hamlet, sorti le 7 novembre 1976, et quelques années plus tard, Johnny se confiera sur l'album d'Hamlet. J'en rêvais depuis 1968. Cet été-là, j'avais demandé à Gilles Thibault, alors en vacances en Espagne, de travailler sur ce projet. En septembre, Gilles est revenu avec 8 ou 9 titres tellement forts que je pensais en faire un spectacle mis en scène par Robert Hossein. L'année suivante, en 1970, j'ai travaillé le côté orchestral avec Jean-Claude Vanier. En 1971, l'époque ne se prêtait plus à ce défi ambitieux. Ce n'est qu'en 1972 qu'on a enregistré à Londres les premières bases musicales. Puis il y a eu le Johnny Circus et 4 années de rame intensive. Maintenant, je me sens prêt, plus en adéquation avec mon époque. J'ai derrière moi Jacques Revaux, un producteur solide aux pieds sur terre, un type avec qui je suis resté en bonne relation, malgré un incident plutôt tiré par les cheveux. Un jour, Thierry Ardisson et Jean-Luc Mestre, qui rédigeaient ensemble la rubrique très lue « Descente de police » publiée dans Rock'n'Folk, me demandent dans une interview ce que je ferais si j'étais chauve. Je réponds que je ne ferais sûrement pas comme Revaux et je balance quelques fines allusions aux implants capillaires. Grosse fâche, procès, quoi qu'il en soit, en 1976, Revaux était de l'aventure. Hamlet est celui de mes albums qui a le moins bien marché et pourtant, c'est l'un de ceux dont je suis le plus fier. Ça ne pouvait pas marcher à l'époque. C'était trop en avance ou trop tard pour mon public. Dommage. Ce disque était désespéré de bout en bout. J'y avais mis toutes mes tripes parce que, quelque part, je m'étais un peu retrouvé dans ce drame familial. Je prendrai un couteau d'acier et j'irai dans la forêt. Le jour, la nuit, sans m'arrêter. Les arbres pleurer. Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Je prendrai un bateau d'acier. Je l'aimais. Shakespeare, le rock'n'roll, Elvis Presley base le monologue de Are You Lonesome Tonight sur un passage de Comme il vous plaira. L'histoire de Roméo et Juliette inspire celle de West Side Story. Et en Angleterre, le producteur d'émissions rock à la radio et à la télévision, Jack Good, transforme Gene Vincent en Sir Lawrence dans Richard III, tout de noir vêtu, médaillon autour du cou. Et aux USA, Jerry Lewis et Iago dans Catch My Soul qu'a imaginé le même Jack Good. En France, Johnny, qui a l'habitude de s'adresser aux meilleurs, rencontre à son tour Shakespeare, le plus grand monument du théâtre mondial, et grâce au talent conjugué de Pierre Groscolas et de Gilles Thibault, l'exercice qui eût pu se révéler catastrophique s'avère payant, du moins sur le plan artistique. Pour ce qui est du commercial, il est vrai qu'il est difficile d'assurer la promotion d'un disque double dont aucun titre n'est censé se détacher en simple, et dont ne sera tiré aucun spectacle. Hamlet est encore aujourd'hui considéré soit comme une aberration hallydéenne, soit comme ce qu'il est en réalité, une œuvre mésestimée car mal connue. Finalement, l'échec de Johnny Hallyday n'est-ce pas d'avoir eu 20 ans d'avance sur le public et son époque? C'est ce que souligne Jean-François Brieux lorsqu'il écrit « L'absence d'extraits vendeurs pouvant séduire le public via les radios n'a laissé aucune chance à ce qui aurait pu être le projet de la décennie 70. Aujourd'hui, le succès de Notre-Dame de Paris montre à quel point Johnny Hallyday avait vu juste en s'attaquant à un texte classique pour en faire un spectacle moderne. Il avait juste 20 ans d'avance. » Malgré que le public l'ait sévèrement boudé lors de sa sortie, Hamlet va devenir avec les années l'une des ventes les plus régulières, devenant un album à part, un disque culte pour les fans. Témoin cette réédition CD des 40 albums studio de Johnny Hallyday en 2000, où la semaine de sa sortie, Hamlet se place en tête des ventes, dépassant même pour l'occasion l'album 100% qui était sorti en 1999. Voici deux derniers extraits de l'album d'Hamlet, La mort d'Hamlet et Le duel. Elle peut venir quand il faut pas, comme un cheveu sur la soupe, comme un as sous la coupe. Au moment de dire bonjour, au milieu de l'amour, c'est tellement con, l'amour. C'est tellement con, l'amour. Je vous souhaite le bonjour, monsieur. Et si c'est le dernier, je vous souhaite la belle mort, monsieur. Elle peut venir de n'importe où. Elle peut vous tomber d'en haut, comme l'éclair et le couteau. C'est tellement con, la mort. C'est tellement con, la mort. Je vous souhaite le bonjour, monsieur. Et si c'est le dernier, je vous souhaite la belle mort, monsieur. Elle peut venir n'importe quand, au printemps comme en hiver. Qu'on s'en manque ou qu'on l'espère, qu'on soit deux ou seul pleurant, mais jamais au bon moment. C'est tellement beau, la vie. C'est tellement beau, oui la vie. C'est tellement beau, la vie. Point sur l'album Hamlet. La conséquence de l'échec commercial d'Hamlet entraîne l'abandon du projet Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll que Sylvie Vartan ambitionnait d'adapter avec l'aide de Gilles Thibault et aussi de Pierre Groscola. Le relatif insuccès de Hamlet incita Johnny à décliner la proposition de Long Chris de consacrer un album à 12 chansons inspirées par les chants de Moldoror de Lautréamont. On va finir en beauté avec le live de 1976, deux titres, Gabriel et La Terre Promise, Johnny Hallyday, au Palais des Sports 1976. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Petit tour live. Et on retrouve notre héros. Ouais. Au Palais des Sports. Qui avait entaché, évidemment, la sortie de l'album. Hamlet. Une fille une fille qui a volé mon esprit, troublé ma raison. Cette fille, vous la connaissez très bien. Je crois que vous connaissez son prénom surtout. Est-ce que vous savez de qui je veux parler? Comment elle s'appelle? J'ai pas entendu. Daniel. Oui. Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose qu'un amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus me souffler, je t'écris. Oh, finis, finis pour moi. Je ne veux plus voir dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine face à de l'amour. De bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine face à de l'amour. J'ai refusé. Gabriel, tu flottes dans mon cœur cette illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds et le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Hey! 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour pas de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour pas de l'amour. J'ai refusé. J'ai refusé. sais, je ne sais pas m'arrêter. J'ai une chanson en tête et je ne fais oui que passer. Je suis chez moi là où on m'aime, ailleurs ailleurs je suis un étranger. Le train en train de ville en ville, je finirai bien par trouver une autre ville, un autre hôtel et une autre fille à aimer. Et je ne me souviens plus d'elle, mais sans l'an je l'ai oublié. Toujours après l'amour, et la vie va me rattraper. Puis si j'y perds ma chemise, si je peux trouver l'amour. Hey! Chef de cette émission, Johnny de A à Z, consacré à l'album Hamlet et aussi au live de 1976. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé et écouté cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et entre autres, je voulais remercier Jean-François Brieux, Jean-François Chenu et Frédéric Quilonero pour les textes que j'ai pu lire ce soir pour vous dans cette émission spéciale Hamlet. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.